Chapitre 46e. Depuis qu'elle avait rendu l'anneau à Gretzky, Raïssa l'évitait autant que possible. Celui-ci, au contraire, semblait la rechercher. Il se sentait plus à l'aise avec elle. Sa vieille rancune avait tout à fait disparu, bien qu'il eût fort mal reçu quiconque lui en eût parlé. Raïssa était désormais une femme comme les autres, et rien ne l'empêchait plus de lui rendre justice. Il admirait aussi chaleureusement que ses amis, ses grandes qualités et son noble dévouement, si bien qu'un jour, Rezov lui dit à brûle-pourpoint, « Il me semble, Gretzky, que tu es en train de devenir amoureux de ta femme. » Valérien lui lança un regard farouche, mais ne daigna pas relever cette impertinence. Le moment du départ approchait. De grosses sommes d'argent, envoyées aux exilés par l'entremise de Raïssa, avaient aplani les difficultés du voyage. Encore quelques jours, et ils quitteraient ce lieu où tant d'idées nouvelles et de pensées salutaires avaient germé dans leur tête. Avant de partir, les trois amis firent une excursion d'adieu aux endroits qui avaient été le plus souvent témoins de leur révolte et de leurs accès de colère. « Cependant, » fit Rezov, de son ton léger, « il me semble que je vois un peu mieux que quand je suis venu. Sais-tu, Gretzky, à présent que je ne recommencerai pas la sotte histoire qui nous a valu ce joli voyage ?»« Ni toi ni moi, » répondit Sabakine, « mais je ne crois pas que Gretzky, s'il est devenu plus sage, soit devenu meilleur. » Valérien fit la sourde oreille. Enfin, les voitures s'ébranlèrent, et les voyageurs, libres désormais, virent s'allonger devant eux la route monotone et pourtant bénie, où chaque tour de roue allait les rapprocher de la famille et de la civilisation. Valérien était forcé de voyager avec sa femme. Les convenances exigeaient qu'il ne la laissât pas à la compagnie d'un autre pendant le temps que le voyage pourrait se prolonger. Durant les premiers jours, ils n'échangèrent pas 10 paroles. Puis Gretzky, poussé par un désir secret, se mit à causer avec Raïssa. Il allait quitter pour toujours cette femme qui avait porté son nom. N'était-il pas bien naturel qu'il cherchât à la connaître avant de lui dire adieu pour jamais? Les poteaux indicateurs de Berst se succédaient, mais l'Europe ne semblait pas se rapprocher. Au halte, les amis se réunissaient et prenaient le repas en commun. Alors, la douce présence de Raïssa mettait un bien-être charmant sur les banalités de la vie courante. Elle était toujours grave. Son sourire avait disparu depuis qu'elle avait rendu l'anneau à son mari. Mais sa bonté prévoyante, sa vigilance et sa grâce étaient restées et la rendaient chère et précieuse à tous. Oui, à tous. Valérien aspirait désormais au moment où il pouvait remonter en voiture auprès de sa femme ennemie. On ne s'arrêtait guère pour coucher, les stations de poste étant pires que n'importe quel véhicule. La nuit venant, parfois, Raïssa s'endormait la première dans un coin de la voiture, le plus loin possible de son mari. Il écoutait cette respiration endormie, pure et régulière, comme celle d'un enfant. Parfois, un soupir échappait à la dormeuse. Parfois aussi, quand Valérien feignait de dormir, rassuré par la solitude, elle restait les yeux grands ouverts, regardant dans le vide avec une fixité mélancolique. Était-ce son passé ou son avenir qu'elle contemplait ainsi? Peu à peu, Valérien sentit glisser en lui une pitié pleine de tendresse. Elle souffrait, cette jeune femme qui avait si noblement agi avec lui. De quoi souffrait-elle? Il n'osait se le demander. Encore moins bien le lui demander à elle. Et pourtant, plus d'une fois, il fut tenté de lui prendre la main, afin de lui donner une preuve de sympathie. Les temps de sa colère étaient bien loin. Il ne se souvenait plus du refus cruel fait à sa femme dans la chapelle. Ce détail était sorti de sa mémoire avec bien d'autres. Il se rappelait maintenant le dévouement mal récompensé, les prodiges de courage et de patience accomplis pour sa sœur, les soins et la présence de la jeune femme auprès de son lit de souffrance. Oui, c'était de la sympathie. Mieux que cela, c'était de l'amitié. De l'amitié. Il avait dû cruellement froisser Raïssa, car elle n'avait pas d'amitié pour lui. Elle l'évitait. Pourquoi l'eût-elle évité s'il avait eu pour lui autre chose que de l'aversion? « Elle ne me pardonnera jamais, » se dit-il, l'outrage du cabaret rouge. Le besoin de se faire pardonner devenait de jour en jour plus impérieux. La voiture roulait toujours, les poteaux continuaient à défiler, l'Oural était passé. La frontière de l'Europe était franchie. Encore quelques jours et Moscou allait à pas. La frontière d'Europe était franchie. Encore quelques jours et Moscou allait apparaître. Valérien voulut en avoir le cœur net. C'était un matin. Il s'était réveillé au premier rayon du jour et Raïssa dormait encore. Pendant son sommeil, elle avait pleuré, car deux larmes avaient laissé leurs traces sur ses joues. Il la regardait, surpris et charmé de la trouver si belle. Jamais physionomie féminine ne lui avait paru respirer tant de douceur, tant de grandeur d'âme. Sans savoir pourquoi, il prit doucement la main de la dormeuse, ouverte sur ses genoux, et la garda dans la sienne. Raïssa se réveilla aussitôt avec un mouvement de confusion, se redressa, passa la main sur ses cheveux et se rencogna dans l'angle de la voiture. Pendant un instant, elle et Gretzky regardèrent défiler les cailloux de la route, puis Valérien se décida à parler. « Voici bien le terme de notre voyage, dit-il. » Elle tourna vers lui son visage résigné. « Nous allons nous séparer, comme vous l'avez désiré ?» C'était une question, mais Raïssa ne voulut pas le comprendre. « Avant de vous dire adieu, je voudrais m'assurer qu'il ne subsiste entre nous aucun levain de colère. » De la colère, elle, Raïssa. La douleur fut si forte que sa patience faillit l'abandonner. Elle se contenta de serrer plus étroitement ses mains jointes sur ses genoux. « Eh bien, dit Valérien, voyant qu'elle ne répondait pas. « Je n'ai pas de colère contre vous, dit-elle faiblement. J'ai pourtant un tort grave à me faire pardonner. » Elle le regarda tristement. Un tort, un seul, et tous les autres. Mais à cette heure, qu'importait ? L'explication était plus difficile que Valérien ne l'avait pensé. Cependant, il fallait en sortir. « Oui, avant de vous quitter pour la vie, reprit-il, je voudrais être certain que vous m'avez pardonné l'offense qu'a fait de vous ma femme. « Je vous ai pardonné, comme à vos amis, » dit Raïssa dont le visage s'était empourpré. « Mais je suis plus coupable que mes amis, » avoua Valérien, plus confus que de sa vie il n'avait pensé l'être. « Vous ? C'était vous ? » s'écria Raïssa. Valérien se souvint alors de son refus de parler. Il se rappela combien elle l'avait adjuré de dire la vérité. Ce n'était pas lui qui pouvait comprendre les délicatesses de ce cœur féminin blessé dans ses cordes les plus intimes. Mais il sentit cependant qu'entre ces trois hommes, elle avait dû amèrement souffrir. Elle ne le regardait plus. Son visage, couvert de rougeur, s'était détourné de lui. Tout à coup, une grande lumière se fit dans le cœur de Valérien. Pour lui avoir pardonné son silence, dernière injure et la plus cruelle de toutes, il fallait donc qu'elle l'aimât. Mais si elle l'aimait, il sentit son cœur se fondre. Toute l'admiration qu'il avait cachée, refoulée dans son cœur, toute la tendresse qu'il avait convertie en haine, toute la reconnaissance dont il avait fait de l'ingratitude, montèrent à ses lèvres comme un flot qui déborde, mais il ne put parler. Retirant alors sa chaîne de montre, la bague que Raïssa lui avait rendue, il prit la main timide qui voulait se refuser et remit l'anneau nuptial au doigt qu'il avait quitté. « Pardonnez-moi toutes mes offenses, » dit-il, ému au point de ne pouvoir parler. « Je suis un imbécile ingrat. Mais Raïssa, je vous aime, et vous êtes ma femme. » Elle ne répondit que par des pleurs. À la prochaine station, quand on servit le repas, Rézov remarqua l'anneau d'or au doigt de la jeune femme. « Tiens, tiens, tiens, » dit-il à demi-voix. « La comtesse veut bien me promettre de me pardonner un jour les torts de toute espèce que j'ai eus envers elle. » Il fut récompensé par une poignée de main de Sabakine qui faillit lui démettre le bras. Gretzky et sa femme se sont fixés dans leur terre et n'ont jamais eu besoin d'intendant. Leurs enfants sont aussi joyeux chez la tante Hélène qu'à la maison paternelle. Quant au vieux Tikhon, il mourut en odeur de sainteté après avoir fait le pèlerinage de Saint-Serge, où le cocher Vassili fut chargé de le conduire. Fadei est bien vieux, mais il ne veut céder à personne l'honneur de servir la jeune comtesse. Ainsi s'achèvent les épreuves de Raïssa par Henri Gréville.